Dans Ruy Blas, drame de Victor Hugo, joué à Paris, 3 ans après le Chandelier, 5e et dernière pièce que j'ai retenue pour montrer l'évolution des rapports entre maître et serviteur, un maître va encore vouloir utiliser son serviteur, mais nous ne serons plus dans la comédie. Nous revenons avec Ruy Blas en Espagne, à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Charles II, descendant de l'illustre Charles Quint. Un grand d'Espagne, dont Salluste de Bazan, marquis de Finlas, est disgracié par la reine pour avoir séduit et refusé d'épouser une de ses filles d'honneur, et il doit s'exiler. Pour se venger, Don Salluste compte sur son cousin, Don César de Bazan. Don Salluste fait donc venir Don César de Bazan dans le palais du roi Charles II à Madrid, où Don César, que l'on croit mort, n'est connu que sous son nom de brigand, Zafari.